you were born to. Assume the mantle. I'm taking notes. Absorb the host. Stop you. The written word destroys you. Absorb the host. Freedom demands you. The facts are nothing. Become your own food. I'm so happy.

le dices que lo odias y lo odias porque es floja. Si no quiere destruir y explotar, se manifiesta por su vida y tú le sacas los ojos. Sádico, sádico, sádico, sádico, sádico, sádico, sádico, sádico, sádico, sádico, sádico, sádico. Tú le dices que lo odias y lo odias porque es floja. Si no quiere destruir y explotar, se manifiesta por su vida y tú le sacas los ojos. Sádico, sádico, sádico, sádico, sádico, sádico, sádico, sádico, sádico, sádico, sádico, sádico, sádico, sádico, sádico. Regarde autour de moi, je vois que des formes, un puissant fond dans lequel tout s'enfonce. Tout est régi par une logique difforme qui est prise comme acquis. Pour supporter ça, j'ai construit une armure. Pour supporter ça, j'ai construit une armure en shit. Pour supporter ça, j'ai construit une armure. Pour supporter ça, j'ai construit une armure en shit. Pour supporter ça, j'ai construit une armure. Pour supporter ça, j'ai construit une armure en shit, mais elle s'effrite. Comment réparer ça? Il faut les bons matériaux, il faut employer de bons matériaux. Mais attention, entre armure et camisole, la frontière est fine. Pour supporter ça, j'ai construit une armure en chute. Pour supporter.

Adiós. Possiamo fare con la luce, con la forza del mare. Dimmi, fratello, che possiamo fare con la luce, con la forza del mare. Amare a terra nostra, ma dobbiamo vivere qui come un sole d'estate morto nel day.